Danger, danger. She a tick now, she back and she look. Batman pays un collet, mais ça mou. Ils veulent 10 le chata, ils sont fous. Chop question, la puissance, ouais, c'est nous. Crasé caille, la tante basse, la bête G. On dit Nico, c'est pour le Gigi. Combien fesses, cafon, combien gadji. Ou pas connaître, rien dans ton cop out shit. Tell me who, tell me who, tell me who. En tchos ou den sol et puis plein basquilou. Moi en fond caille, la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé nous. Tell me où, tell me où, tell me où. En tchos on den sol et puis plein basquilou. Moi en fond caille la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé. Papa les gras si ou ka ouvert kache ou. Moi pas là pour faire tes secrets, je caché. Den sol moi méchant et c'est ça qu'a fâché ou. Fou tout ce moment où c'est pas très craché. Ou pe militer pour chata pas passer. Mais pas vini m'a demain si m'a brassé. M'a ka fait comme moi et puis m'a ka tracé. Again c'est messieurs a ouvert m'a passé. Tell me où, tell me où, tell me où. En tchos on den sol et puis plein basquilou. Moi en fond caille la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé nous. Tell me où, tell me où, tell me où. En tchos on den sol et puis plein basquilou. Moi en fond caille la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé. Les femmes qui bas aux fesses pas courir. Nous qui avons l'impression juste matouri. Maureen m'a fini pour me racher tête yo. Den sol la ta nous coup de basse là c'est bayo. Aïe, Nico, yo poko pare ba nous. Nous la pour l'onne, donc yo ke vini fou. La puissance qui pète rien yo tout. Plaisir moi donc moi ni rien à foutre. Tell me où, tell me où, tell me où. En tchos on den sol et puis plein basquilou. Moi en fond kaye la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé nous. Tell me où, tell me où, tell me où. En tchos on den sol et puis plein basquilou. Moi en fond kaye la pas chercher, moi manque à ouais flou. Maureen dit yo encore pas veillé, moi pas veillé.